Exercice 10, page 129. A. Il bouge un peu? Transformer. Oui, il bouge beaucoup. B. Il brille un peu? Transformer. Oui, il brille beaucoup. C. Il bronze un peu? Transformé. Oui, il bronze beaucoup. D. Il pleure un peu. Transformé. Oui, il pleure beaucoup. E. Il pleut un peu. Transformé. Oui, il pleut beaucoup. F. Il peint un peu. Transformé. Oui, il peint beaucoup.